إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, chers auditeurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous assiste. Nous poursuivons l'explication du livre intitulé Explication de la parole de l'unicité de l'éminent savant Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Donc l'auteur nous dit, rahmahullah, et la parole de l'homme, la ilaha illallah, réduit à néant les intermédiaires. Et si tu veux savoir cela, il faudra que tu prennes connaissance de deux choses. La première est que tu saches que les mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, dont il s'est emparé des biens et a rendu leurs femmes licites, reconnaissaient l'unicité dans la seigneurie, et que personne ne peut créer, donner la subsistance, donner la vie, donner la mort et administrer tout en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah le dit, قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. Demande-leur qui vous attribue votre subsistance du ciel et de la terre, qui possède l'ouïe et la vue, qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant, qui administre tout. Ils répondront, c'est Allah. Ensuite, l'auteur nous dit, et ce sujet est immense et important, le fait de savoir que les polythéistes témoignaient et reconnaissaient tout cela, néanmoins, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam et ça n'a pas rendu leur sang et leurs biens illicites. Alors qu'ils donnaient l'aumône, accomplissaient le pèlerinage, faisaient la umra et délaissaient des choses interdites par peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici l'auteur, rahmahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, réfute certaines personnes de son époque, et plus précisément ceux qui adorent les tombes. Et comme vous le savez, les gens du faux ont de nombreuses ambiguïtés qu'ils se transmettent de génération en génération. Et ces ambiguïtés sont la cause de nombreux troubles, car certains les véhiculent et les propagent à grande échelle. Surtout à notre époque, où la propagation de la science est très facile, les gens du faux utilisent toutes sortes de procédés pour propager leurs nombreuses fabulations. Que ce soit via Internet, les réseaux sociaux, la télévision, les livres et autres. Néanmoins, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons toujours eu dans la communauté, et cela en tout temps, des savants éducateurs, connaisseurs du Coran et de la Sunna, qui réfutent les ambiguïtés et leurs adeptes. Et cela déjà depuis des générations, en commençant par l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné la science à ses compagnons. Et certains d'entre eux sont devenus des savants. Et parmi eux, certains se sont distingués par leur réfutation des ambiguïtés, tel que le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, ainsi que son père, qui était l'un des plus grands savants de son époque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même invoqué en sa faveur l'imam al-Bukhari ainsi que l'imam Muslim rapporte, d'après Abdullah ibn Abbas lui-même, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit faire ses besoins et ibn Abbas lui déposa de l'eau pour les ablutions. Quand il termina, il demanda sallallahu alayhi wa sallam « Qui a déposé ceci ?» Et il fut dit « Ibn Abbas ». Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Allah, accorde-lui la compréhension de la religion. » Et Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, est celui qui a débattu avec les Khawarij lorsque leur nombre était de 6000, il réfuta leurs ambiguïtés une à une. Et à chaque fois qu'il finit de réfuter l'une d'entre elles, il disait aux Khawarij, alors, délaisserez-vous celle-ci ? Puis à la fin de ce débat, 2000 d'entre eux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, se repentirent. Également à l'époque des tabi'in, certains savants, tels qu'Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont réfuté les ambiguïtés des Mu'tazila. De même à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahmahullah, il a réfuté les gens du faux et leurs ambiguïtés avec brio. Il était plus savant de leurs croyances et de leur méthodologie qu'eux-mêmes. Aussi à l'époque de l'auteur, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il a endossé cette grande responsabilité de dévoiler les gens du faux et leurs ambiguïtés, ce qui lui a valu de s'attirer de nombreux ennemis. Car les gens du faux détestent qu'on les dévoile. Ainsi, ils dénigrent tous ceux qui s'adonnent à cela. C'est pour cette raison que l'auteur est l'un des savants de la Sunna qui est le plus dénigré. Pas parce qu'il venait de telle ou telle tribu, mais plutôt car ses réfutations ont fait très mal aux gens du faux. Et ils n'ont pas trouvé autre chose que de le dénigrer, car c'est une habitude chez eux. C'est pour cette raison que l'imam Abu Hatim al-Razi disait « Parmi les signes des gens de l'innovation, le dénigrement des gens de la Sunna. » Ainsi l'auteur dans ce passage réfute les gens qui adorent les tombes. Car selon eux, tant que la personne reconnaît la seigneurie, elle reste musulmane, même si elle voue l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shir nous clarifie que le tawhid des polythéistes de Quraysh était identique à celui de ceux qui adorent les tombes. Car à l'époque, les polythéistes de Quraysh reconnaissaient la seigneurie. Et lorsqu'ils étaient réellement en difficulté, ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah dit dans le verset 65 de Sourate Al-Ankabut, هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction, c'est lui qui vous fait cheminer sur terre et sur mer. Lorsque vous êtes sur des embarcations que nous faisions voguer au gré du vent favorable, les passagers s'en réjouissent jusqu'au moment où un vent violent les assaille, que les vagues les frappent de toutes parts et qu'ils sont certains d'être cernés, ils invoquent alors Allah en lui vouant un culte exclusif et disent « Si tu nous délivres, nous serons du nombre des reconnaissants. » Néanmoins, ils ne sont pas rentrés dans l'islam pour autant. Et ceux qui adorent les tombes à notre époque ont la conviction que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée. Néanmoins, ils vouent l'adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout comme les premiers polythéistes. De ce fait, ils ont le même jugement d'un point de vue général. Également le cheikh, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous clarifie que le plus important n'est pas de reconnaître qu'Allah est le créateur, le pourvoyeur, et que c'est lui qui administre toutes choses. Car les polythéistes en tout temps avaient cette conviction. Et ceux qui ont renié cela ne l'ont fait uniquement par orgueil, comme c'était le cas de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ils les renièrent par transgression et orgueil, bien qu'en leur fort intérieur, ils fussent intimement convaincus de leur véracité. Vois quelle fut la fin des corrupteurs. Néanmoins, le plus important est l'unicité dans l'adoration. C'est pour cela que les prophètes ont centré leur prêche sur cette catégorie d'unicité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également وَإِلَى مَدْيَنْ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. Et au peuple de Madian, nous avons envoyé leur frère Shu'aib qui leur dit: Ô mon peuple, n'adorez qu'Allah, vous n'avez de divinité véritable que lui. Et l'éminent savant Al-Sheikh Salih Al-Fawzan hafizahullah, qu'Allah le préserve, nous dit que tous les prophètes ont commencé leur prêche par cette parole. Et ceci nous indique que le prêche des prophètes était centré sur l'unicité de l'adoration. Ensuite, l'auteur nous dit néanmoins la deuxième chose, et ce qui les a rendus mécréants, et qui a rendu leur sang et leur bien licites, et qu'ils n'ont pas témoigné de l'unicité dans l'adoration. Le fait qu'on invoque et espère en personne en dehors d'Allah sans associer, et qu'on ne demande pas le secours à autre que lui, qu'on ne sacrifie pas et ne fait pas de vœux pieux pour autre que lui, même pas un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Ainsi, celui qui demande secours à autre qu'Allah a mécru, celui qui sacrifie pour autre que lui a mécru, et celui qui a fait un vœu pieux pour autre que lui a mécru. Et l'achèvement de cela est de savoir que les polythéistes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu, invoquaient les pieux, tels que les anges, Isa alayhi salam, Uzair, et autres parmi les alliés. Ils ont mécru par cela, malgré qu'ils reconnaissaient qu'Allah est le Créateur, le Pourvoyeur et l'Administrateur de toutes choses. Et si tu sais cela, alors tu connais le sens de la ilaha illallah. Et tu sais que celui qui demande l'aide d'un ange ou lui demande secours sort de l'islam, et ceci est la mécréance pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Donc ici l'auteur, rahimahullah, continue sa réfutation en clarifiant que celui qui adore autre qu'Allah a mécru. Même s'il dit « La ilaha illallah », même s'il accomplit différentes adorations pour Allah, car tant qu'il ne voue pas un culte exclusif à Allah, il n'est pas musulman. Également, l'auteur réfute une ambiguïté très répandue, que ce soit à son époque ou à notre époque. Certains ont la conviction que le polythéisme consiste uniquement à adorer les statues. De ce fait, adorer les pieux, les anges et les prophètes n'est pas considéré comme du shirk. Et cette ambiguïté vise à restreindre l'association dans l'adoration des idoles. Et ceux qui véhiculent cette ambiguïté se divisent en deux catégories. La première, ce sont les gens de la masse qui n'ont pas compris la réalité du polythéisme. Et il convient de leur enseigner et de faire preuve de douceur avec eux, car cette parole est due uniquement à leur ignorance. La deuxième catégorie, ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les adorateurs de tombes, ils veulent par cette ambiguïté se justifier et se rassurer que ce qu'ils font n'est pas du shirk et qu'il y a une différence entre eux et les premiers polythéistes. Car selon eux, les premiers polythéistes adoraient des statues et de ce fait, ils sont tombés dans le polythéisme. Quant à eux, ce n'est pas le cas, car ils vouent l'adoration pour les pieux, anges et autres. Et le Cheikh rahimahullah a répondu à cette ambiguïté de la même manière que dans les quatre règles, en disant que les polythéistes d'antan étaient divisés dans leur adoration et qu'ils n'adoraient pas tous les statues. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Néanmoins, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction entre eux, ce qui montre que le shirk n'est pas restreint à l'adoration des statues. Et malheureusement, cette ambiguïté est encore très répandue à notre époque. De nombreux musulmans ont la conviction que le polythéisme consiste à se prosterner pour une statue, ou encore l'invoquer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il est impératif d'étudier l'unicité et de l'enseigner à nos proches pour que le bien se propage. Car c'est par ça que passe la réforme de la communauté. Elle ne passe pas par des manifestations ou bien des lives sur les réseaux sociaux où tu retrouves parfois des femmes et des hommes mélangés en train de débattre sur l'actualité de la communauté. La réformation de la communauté doit être le souci du croyant. Néanmoins, il doit connaître les causes qui y mènent. Et malheureusement, beaucoup de personnes les ignorent ou pensent les connaître. Ainsi, ils corrompent plus qu'ils ne réforment. Alors que l'apprentissage du tawhid, sa mise en pratique et sa propagation sont les plus grandes causes de réformation. C'est pour cela que certains savants de la sunna ont mentionné ces trois points dans certains livres de tawhid. Parmi eux, l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans son livre intitulé « Les trois fondements ». Comment prétendre la réformation en utilisant des moyens interdits qui ne sont pas légiférés? Beaucoup de ceux qui aujourd'hui prétendent être des réformateurs sont en vérité des fauteurs de troubles, même s'il est probable qu'ils soient animés par un sentiment de jalousie. Et ceci est une bonne chose que le musulman ait de la jalousie pour sa religion et qu'il veuille changer les choses. Cependant, cette jalousie doit être canalisée par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car si ce n'est pas le cas, la personne basculera dans l'extrême. Et nous avons un bon exemple avec la secte des Khawarij. Car l'une des causes qui les a poussés à sortir contre les gouverneurs et à faire couler le sang dans de nombreux pays et leur jalousie pour la religion, car l'un de leurs objectifs est que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala soient appliquées. Toutefois, ils n'ont pas utilisé les moyens légiférés pour y arriver et ont propagé la corruption sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite à être des réformateurs.